à tous et vous êtes bien sur Radio Fadjet et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire de la boîte à BO. Et comme chaque semaine pour co-animer cette émission, eh bien Francine, bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors comme chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film, nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter donc de très belles BO tout en évoquant de nombreuses anecdotes les concernant. Alors aujourd'hui Francine, quel est le programme ? Eh bien, aujourd'hui, on va retrouver notamment Ennio Morricone, Lalo Schifrin, James Horner et bien d'autres encore. Parfait, Francine. Alors, sans plus tarder, voici donc un nouveau numéro de la boîte à BO. Et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors, commençons tout de suite par notre première séquence BO culte avec Mission Impossible, une BO de Lalo Schifrin, qui est un compositeur né en 1932 donc à Buenos Aires. Et donc, il est pianiste, chef orchestre, compositeur, arrangeur musical argentin célèbre, entre autres, pour ses musiques de films Bullitt, L'Inspecteur Harry, Opération Dragon, mais aussi de séries comme donc Mannix, Starsky Hutch et bien sûr Mission Impossible. Alors pour la BO donc de ce film, Schifrin reçut deux donc Grammy Awards en 1968. Moi c'était pour la série, hein. Celui donc du meilleur thème instrumental et celui de la meilleure partition originale pour un film ou une émission télévisée. Le titre phare donc devient pour toujours donc légendaire et donc je vous propose donc tout de suite de retrouver un extrait de cette BO. Avec la BO en chanson lorsque la chanson se mêle à la musique. Et aujourd'hui, Tina Arena pour le film Le Masque de Zorro. En 1998, Antonio Banderas se glisse dans la peau du successeur de Don Diego de la Vega, alias le justicier masqué dans le film Le Masque de Zorro. Il partage l'affiche avec Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Il faut savoir que c'est la chanteuse Shakira qui avait été pressentie pour interpréter le rôle d'Elena de la Vega, mais elle s'est finalement désistée au profit de Catherine Zeta-Jones. La bande originale du Masque de Zorro a été composée par James Horner, grand compositeur de cinéma à qui on devait déjà les musiques de Titanic. On peut entendre « I want to spend my lifetime loving you » lors du générique de fin de film. Alors retrouvons cette chanson interprétée par le duo Marc Anthony et Tina Arena. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous venez d'écouter donc Tina Arena et Marc Anthony pour la BO donc du film Le Masque de Zorro. Passons maintenant à notre séquence BO coup de cœur avec donc La Femme de ma vie, un film de 1986 avec Jean-Louis Trintignant, Jane Birkin et Christophe Malavoie. Et à côté de ces stars, eh bien Francine, est-ce que tu te souviens de l'actrice qui jouait, une toute jeune actrice qui va devenir une chanteuse? Je suppose que c'est Elsa. Oui, tout à fait, Elsa qui avait donc 13 ans et qui a fait donc l'une de ses premières apparitions au cinéma. Et puis une scène va changer son destin et lancer sa carrière de chanteuse qu'elle ne soupçonnait pas du tout à ce moment-là. En effet, à l'origine, T'en vas pas était juste une mélodie qui accompagne le film et que l'on retrouvait dans une scène lorsque Elsa joue du piano et chante un petit couplet dont les paroles sont quelque peu différentes de la chanson que l'on connaît. Au départ, c'est à Jane Birkin que l'on proposa la chanson, mais elle refusa de la chanter. Et c'est donc du haut de ses 13 ans que la toute jeune Elsa accepte, non sans hésiter, d'interpréter le titre phare du film. Très vite, le single se hisse au sommet des parades, restant numéro 1 du top 50 pendant de nombreuses semaines et s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires. Alors sans plus tarder, je vous propose donc de retrouver tout de suite « T'en vas pas, Elsa ». Si tu l'aimes, dis. après le fameux morceau d'Elsa que tout le monde connaît, on va placer donc à la BO Émotion avec Hors Normes. Sortie en 2019, Hors Normes est une comédie dramatique très poignante de Eric Toledano, Olivier Nakache, qui met en lumière le travail de l'ombre des éducateurs et associations qui s'occupent des personnes autistes. Le film est bien servi par son duo d'acteurs Vincent Cassel et Reda Kateb. Eric Toledano et Olivier Nakache voient Hors Normes comme la somme des obsessions qui traversent tous les films, le groupe au travail comme dans Nos Jours Heureux, ou le sens de la fête, le milieu associatif dans Samba et les duos dans Intouchables ou Je préfère qu'on reste amis. Dans ce film, une musique omniprésente qui contribue à nous émouvoir, Blue Flood de Grand Brothers. C'était la BO du film Hors Normes. Alors passons maintenant aux années 80. Avec la BO 80, l'occasion de revenir sur un grand succès des années 80. Et cette semaine, Le Grand Chemin, qui a remporté en 1988 le César du meilleur film, mais aussi du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Alors, donc, Francine. Alors, le meilleur acteur, bien évidemment, c'était Richard Bohringer. Et la meilleure actrice, c'était Anémone. Oui, un couple formidable dans ce film. Alors, cousin de Brassens, Georges Granier signe son unique musique de film pour un long métrage avec ce drame sentimental de Jean-Louis Hubert qui se déroule à la fin des années 50 en milieu rural. Le compositeur a livré une partition de la richesse mélodique et le style poétique ne sont pas sans rappeler un autre Georges dont le patronyme est Delerue. Quelques sonorités électroniques complètent ici l'approche acoustique traditionnelle d'une élégance typiquement française. Alors retrouvons tout de suite un extrait de cette bande originale. Thank you. Alors, passons tout de suite à la BO frisson avec cette semaine The Thing et surprise Ennio Morricone à la musique. The Thing est l'un des rares films de John Carpenter dont la bande originale n'est pas composée par lui-même. À milieu des western spaghetti de Sergio Leone, Ennio Morricone livre pour The Thing de John Carpenter un thème binaire comme un battement de cœur. Alors après la BO frisson, passons à la BO romance. Toujours du romantisme pour terminer la boîte à BO. L'occasion de retrouver les BO des films qui nous ont fait chavirer, N'oublie jamais. Alors N'oublie jamais est le quatrième long métrage réalisé par Nick Cassavetes. Le réalisateur évoque le thème de la mémoire qui est au centre de son film. Et il dit c'est terrible pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer parce que cela ne leur retire pas seulement leurs souvenirs ou leur expérience, mais tout ce qu'ils possèdent. Le passé est la chose la plus précieuse que l'on puisse perdre dans une vie, disait le réalisateur donc à la sortie du film. Donc écoutons tout de suite cette musique signée Aaron Zickman. Thank you.